Dans cette intersection équipée d'un stop et où je ne bénéficie d'aucune visibilité, deux miroirs ont été placés qui permettent de savoir si des véhicules arrivent de gauche et de droite. Que je veuille tourner à droite ou à gauche, je ne peux franchir le stop que si je suis certain que personne ne circule sur la route que je veux aborder. Après observation des miroirs, je me rends compte que personne ne vient de droite et qu'une seule voiture venait vers moi de la gauche, mais que son conducteur a décidé de tourner dans une autre rue. Je peux donc m'engager pour tourner à droite ou à gauche. Réponse A et C.